Bonjour, nous republions une actualité du mois de juin, dans laquelle nous parlons du Salon du Bourget. Ce mois-ci, Océane s'est rendue au Salon du Bourget édition 2019. Alors nous nous sommes dit que ce serait sympa d'en parler en guise de thème d'actualité. Bon alors, vous commencez à nous connaître et je pense que vous savez qu'on aime bien toujours mettre un peu les choses en contexte et retracer un peu l'histoire pour bien comprendre nos sujets. Et celui-là n'est pas exception, donc je vais tout d'abord aborder ça avec vous. Parce que oui, le Salon du Bourget, c'est plein d'avions, c'est cool, mais ça vient d'où ? Alors, le tout premier salon aéronautique a eu lieu en 1908, dans une section aménagée pour les choses de l'air, je cite, lors du Salon international de l'automobile au Grand Palais à Paris. Bon, nous n'y étions pas, mais j'imagine que cette exposition a été un succès, puisque l'année suivante fut présenté le Salon international de la locomotion aérienne, le premier salon que l'on pouvait trouver de ce genre, et qui était une expression donc de l'industrie française. Il a été créé par André Granet et Robert Isno-Peltery, le premier architecte de bâtiment et le deuxième inventeur et pionnier de l'aéronautique. Après tout ça, le salon a eu lieu tous les ans jusqu'en 1913, année où d'ailleurs le salon a été concentré sur l'armement des avions. On se demande pourquoi. Et bien justement, après ça, bon, il y avait une guerre et tout ça, donc il fallait arrêter un petit moment le salon. Et ils ont pu enfin reprendre en 1919, année d'ailleurs pendant laquelle ont surtout été exposés les avions de guerre, appelés les avions de la victoire. Bon, finalement, un peu plus tard, sera pris la décision d'organiser le salon que tous les deux ans, puisque la période après-guerre est surtout une période de reconstruction, et même si l'industrie était assez innovante, elle manquait malgré tout de moyens. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est à l'aéroport du Bourget que le premier vol sans escale entre New York et Paris par Charles Lindbergh a atterri en 1927, faisant de cet aéroport un aéroport connu mondialement, et notamment aux États-Unis. Bon, on va s'avancer jusqu'en 1934, où le salon devient appelé Salon de l'aviation. Il y a de plus en plus de pays présents, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'ex-URSS, ce qui leur permet d'ailleurs de faire des sortes de petites démonstrations de puissance. Bon, après, ils ont pu littéralement faire la démonstration de force lors de la Seconde Guerre mondiale, raison pour laquelle, comme vous pouvez imaginer, le salon a à nouveau été mis en suspens. L'exposition reprend en 1946, mais c'est l'exposition d'après, qui a lieu en 1949, qui est la plus notoire, puisque non seulement le premier chasseur français d'assaut y est exposé, mais aussi pour la première fois il y a des démonstrations aériennes et une parade aérienne à Orly, signifiant donc qu'une partie du salon se tient en dehors du Grand Palais. D'ailleurs, le salon d'après, en 1951, a été le dernier qui exposait au Grand Palais, puisque en même temps il y avait une exposition au Bourget, et donc l'édition d'après en 1953, il a commencé à se tenir intégralement au Bourget, pour dorénavant. En 1971, il y avait déjà 17 différents États représentés lors du salon, et ce chiffre n'a pas cessé de grandir exponentiellement même, et d'accueillir plus d'avions, plus de démonstrations, d'industriels et de publics. En 2007, c'est devenu le premier salon mondial de l'aéronautique avec 2000 exposants. Chiffre qui a continué à grandir dans les années qui ont suivi. Et puis c'est aussi cette date-là, en 2007, que le salon se tourne plus vers les affaires, le rendant donc un lieu de rencontre entre professionnels et donc d'échange. Merci Carolina pour la petite revue historique. Et donc cette année, je ne sais pas si vous avez tenu le compte, mais c'était la 53e édition du Salon du Bourget. Et donc effectivement, il y avait plus de 2000 exposants, il y en avait 2400 qui venaient de 50 pays différents, avec à peu près 300 000 visiteurs, dont 175 000 grand public. Il y avait en plus de ça 300 délégations officielles et des milliers de journalistes. Et tout ça sans compter les photographes professionnels ou amateurs qui sont venus prendre des clichés des avions par terre ou en plein vol. Alors, en début de semaine, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ce salon il est fermé au grand public. Et il y a seulement les professionnels qui sont invités qui peuvent s'y rendre. C'est un des plus grands événements pour les ventes d'aéronautique françaises. Militaires certes, mais aussi et surtout civils. Une grande partie des exposants sont d'ailleurs issus du monde civil. Mais du vendredi au dimanche, le salon est ouvert au grand public et tout le monde peut alors le découvrir. Si vous ne l'avez jamais fait, comme c'était mon cas jusqu'à la semaine dernière, je vous conseille réellement d'aller à la prochaine édition, dans 2 ans donc. C'est un immense salon, avec des dizaines d'avions exposés. On peut monter dans certains avions, alors il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de queues généralement, avec des stands aussi qui sont assez ludiques et pédagogues. On peut voir sur les stands avec des militaires, on a pu discuter avec des militaires américains, belges, c'était vraiment très intéressant. Et en parlant de stands, je voudrais offrir une mention spéciale à 2 stands qui m'ont beaucoup plu. Alors celui de l'armée française, parce qu'on peut grimper dans les avions, on peut grimper et avoir sa photo dans un rafale, si ça c'est pas la classe. Ils exposent aussi les drones, soit réels, soit en maquette, et qu'il y a toujours un militaire qui est là pour vous expliquer comment ils fonctionnent et répondre à toutes vos questions. Donc le stand de l'armée française, c'était vraiment bien. Et évidemment, comme toutes les éditions, ce que j'ai pu entendre, le stand du CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, qui est extrêmement bien fait, avec des photographies, des objets, des conférences grand public très intéressantes, et aussi des tonnes de goodies, pour ceux que ça intéresse. Dans ce salon, il y avait aussi un immense forum des métiers, à destination des jeunes, qui était bondé, mais très bien fait, armée, ingénieur, industrie civile, de la défense, il y avait à peu près tout. Je peux pas trop vous conseiller d'aller y faire un tour, parce que, certes, ça a un prix, il me semble que c'est 15€ l'entrée, mais ça vaut le coup, ne serait-ce que pour les démonstrations de vol. Carolina vous en parlait, et là je vais être un petit peu spécifique, mais on n'a pas l'occasion de voir tout le temps des hélicoptères Tigre d'Airbus, ou des F-16 Fighting Falcon, ou le Rafale, évidemment, ou les Hawker Hurricane, ou la Patrouille de France, qui font des figures aériennes, c'est absolument impressionnant. Tous les pilotes maîtrisent extrêmement bien leurs appareils, et d'ailleurs certains d'entre eux ont remporté le titre de champion du monde de voltige aérienne. J'en profite pour préciser, parce que je ne le savais pas, mais que la France est aujourd'hui championne du monde et qu'elle remet son titre en jeu cet été, donc championne du monde de voltige aérienne. Sinon, hors de mon expérience personnelle qui était vraiment géniale, et voilà, allez-y dans 2 ans, à quoi ça sert ce salon ? Eh ben, ce salon, comme a dit Carolina, il sert à vendre en partie. Et en termes de vente, Airbus et Boeing, cette année, ont cumulé 655 commandes à eux deux, ce qui est vraiment pas mal, même si ça n'atteint pas le pic d'il y a 2 ans. Et les organisateurs du salon revendiquent des contrats d'une valeur totale cumulée de 140 milliards de dollars, donc plus ou moins 123 milliards d'euros. On se représente pas toujours très bien combien ça fait, mais c'est énorme. Et c'est aussi comme ça que l'aéronautique français et européen vit. Il y avait une attraction du salon cette année. C'était la maquette de New Generation Fighter du SCAF, qui a été réalisée par Dassault Aviation et Airbus. Alors, il est surnommé la Limande, apparemment parce qu'il est plat. C'est un chasseur qui est censé succéder en 2040 au Rafale et à l'Eurofighter Typhoon. Les ministres de la Défense allemands, espagnols et français ont signé un accord au Bourget qui prévoit la construction de démonstrateurs, donc c'est le premier prototype, pour 2026. Donc ce chasseur, qui est construit par plusieurs pays européens, est un des fers de lance de la volonté d'une intégration industrielle de la défense européenne, si ce n'est pas, dans le cas français, une volonté de développer une défense européenne tout court. Une autre attraction, un petit peu plus anecdotique, mais qui a beaucoup attiré les foules, c'était le vaisseau en Lego taille réelle du X-Wing Starfighter de Star Wars. Alors, on va pas se le cacher, c'est impressionnant, et je loue la patience de ceux qui ont pris le temps de construire un avion en taille réelle. En termes d'innovation, il y a aussi l'ONERA, donc c'est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui a également présenté son avion du futur, qu'ils ont surnommé le Dragon. Donc il repose sur le concept de la propulsion électrique distribuée, qui permettrait, tout en embarquant 150 passagers, de diminuer de 5 à 10% la consommation de carburant par rapport aux appareils mis en service en 2014. L'objectif serait à terme d'utiliser un autre carburant que du kérosène, par exemple des piles à combustible ou des batteries. Un tel avion devrait atterrir sur nos grandes lignes à l'horizon 2040, selon l'ONERA. Ça peut paraître anecdotique et c'est du civil, donc ça intéressera peut-être moins d'entre vous, mais la consommation de kérosène des avions et donc la question énergétique est vraiment au centre des questions évidemment écologiques, mais aussi économiques, parce que ça coûte extrêmement cher tout ça. Ah oui, et autre innovation, assez anecdotique encore une fois, Air France l'avait déjà annoncé, mais nous aurons peut-être la LiFi dans les avions du futur. Donc la LiFi, c'est une sorte de connexion Wi-Fi un peu limitée à l'intérieur de l'avion. Bon, et pour terminer, je vais vous parler de mon coup de cœur perso du salon, le simulateur de vol Rafale sur le stand de Dassault Aviation. Bon alors, déjà parce que les Rafales, c'est cool, et en plus, ils ont des capacités nucléaires, donc forcément, je suis un peu familière de l'avion. Mais aussi parce que le simulateur de vol, c'est incroyable. On n'imagine pas la complexité de la mission des pilotes, qui sont pourtant de plus en plus épaulés par l'intégration des technologies, des designs plus intuitifs et l'intelligence artificielle qui ne fera que grandir. C'est extrêmement impressionnant à regarder, et c'est encore plus impressionnant du coup d'observer la voltige auquel s'est prêté le pilote de Rafale lors des démonstrations quand on a pu voir la simulation et la complexité de ce qu'ils ont sous les yeux. Et je termine là-dessus, si vous voulez voir des très belles photos du salon du Bourget, allez regarder le Twitter de Paris Air Show. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.